1. Le livre des règles de bienséance. Chapitre 84. Le mérite de la pudeur et l'incitation à être pudique. 681. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passa près d'un homme parmi les Ansar qui reprochait à son frère d'être trop pudique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, lui dit « Laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. » Al-Bukhari et Muslim. 682. D'après Imran ibn Hussein, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, a dit « La pudeur n'apporte que du bien. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, a dit « La pudeur est un bien en toute chose. » 683. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « La foi comporte plus de 70 ou plus de 60 branches. La plus haute est l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, la ilaha illallah, et la moins haute consiste à retirer de la voie publique ce qui pourrait nuire aux gens. Et la pudeur est une des branches de la foi. » Al-Bukhari et Muslim. 684. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était plus pudique qu'une vierge dans son gynécée, partie de la maison réservée aux femmes. Quand il voyait quelque chose qui lui déplaisait, nous le devinions sur son visage. Al-Bukhari Muslim. Selon les savants, la vraie pudeur est un trait de caractère qui pousse à se détourner de ce qui est mauvais et qui empêche de négliger les droits des autres. Nous avons par ailleurs rapporté les paroles d'Abul Qasim al-Junayd rahimahullah. La pudeur est ce sentiment, devant les grâces d'Allah, de ne pas être à la hauteur de ses bienfaits.